l'impression qu'à l'énergie féconde s'agite sous le sommeil des dormeurs. S'amusant d'artifice illuminé de candeur, comme un fantôme se glisse hors de sa demeure. Alors l'armée des ombres sort de son sommeil. Des âmes qui s'éveillent à un monde à nul autre pareil. Quel sortilège sinon d'enivre l'homme au point de faire son malheur. Pas de répit, pas de trêve quand le jour s'achève. Des âmes pures se lèvent et prennent la relève dans le silence des rêves. Voici l'armée des ombres qui se dessine sombre à l'heure où l'astre tombe sa chaleur.